N19 Paris 4, c'est difficile d'intervenir après tout ça parce qu'il y a pas mal de thèmes qui ont été soulevés et je veux dire que la dernière intervention emporte toute mon adhésion. Hein, je suis absolument d'accord. Simplement, je crois que le problème, et c'est apparu un petit peu, alors je vais dire des choses peut-être un peu confuses, mais parce que sûrement ça aurait besoin d'être pensé de manière un peu sérieuse. Ce qui est apparu l'an dernier, me semble-t-il, dans cette chose un peu spontanée, comme le rappelait Cecil, c'est effectivement l'accumulation d'années de réflexion, de frustration aussi, mais dans divers domaines. C'est-à-dire que je pense que souvent, quand on parle avec les collègues et qu'ils défendent ce qu'ils croient être l'excellence, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « on travaille beaucoup, on travaille dans des conditions qui ne sont pas acceptables, nous méritons d'avoir telle prime, tel truc, tel financement, etc. » Ce qui peut s'entendre. Sauf que, à mon avis, ils confondent deux choses. Ils confondent un discours qui est un discours qui devrait être syndical, conditions de travail, revalorisation salariale pour tous et non pas prime, etc., etc. Et quand on dit ça aux collègues, enfin, moi je me suis retrouvée à le dire, tout d'un coup il y a des petites lumières qui s'allument dans leurs yeux. Alors ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect, et je pense que c'était le rôle de ce séminaire, qui est de réflexion, disons, un peu plus au fond, intellectuelle sur ce que c'est... précisément, peut-être que d'être un intellectuel, que l'activité intellectuelle, que comment on peut, etc. Après, il y a peut-être un autre aspect, et que là, à mon avis, il faudrait travailler, et que Joël a un peu mis en avant, et qui, moi, me paraît tout à fait essentiel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à trouver des moyens, alors si c'est possible en sciences dures, disons que ça devrait être possible en sciences humaines, et on est un certain nombre d'entre nous à le faire, pour nous sortir de cet aspect concurrentiel, etc. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer des lieux parallèles, on peut créer des lieux de résistance, avec des universitaires. Je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de rejeter l'université ou de faire une sorte de para-université qui serait mieux, etc. Ça, je n'y crois pas du tout. Mais le fait de faire travailler, par exemple, moi je le vois avec l'Italie, qui est dans un état de déliquescence assez avancé, hein, du point de vue de l'enseignement supérieur, moi je mets un point d'honneur à ne travailler... Et alors là, ça ferait peut-être hurler qu'avec les meilleurs. Et les meilleurs, ils ne sont pas à l'université, le plus souvent. Bon. Mais ça, c'est un engagement. C'est-à-dire qu'on accepte de travailler avec des gens qui ne sont pas immédiatement la main sur le paquet d'argent dans telle ou telle université italienne. Alors, il faut dire que maintenant, c'est plus tellement un risque parce qu'il n'y a plus d'argent dans les universités italiennes. Donc on se retrouve à travailler avec des gens qui étaient quand même les meilleurs, qui n'ont pas d'argent, mais les autres non plus. Donc c'est... finalement, on avait fait le bon choix. Vous l'avez fait avant. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut mettre en avant. Le fait, bon, moi je donne un certain nombre d'exemples, mais on pourrait de décliner un certain nombre de séminaires très très collectifs, c'est-à-dire où les responsabilités sont partagées à une dizaine, dont 9 maîtres de conf et un prof qui accepte, disons, d'être mis sur un pied d'égalité avec les autres. Hein, il y en a, on le sait, et tant mieux d'ailleurs. Et toutes ces choses que l'on pourrait décliner et qui rencontrent l'adhésion des étudiants. Et c'est ça qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à venir dans ces lieux où on réfléchit, où on pense et où peut-être ça ne rentre pas dans leurs UE, dans leurs ECTS, etc. Parce qu'ils savent que là, il se passe des choses. Voilà. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut faire en même temps. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la participation au conseil, etc. Ça, je pense que c'est fondamental. Et je ne reviens pas sur l'importance du droit. Là, j'avoue que moi, je suis un petit peu étonnée. Je crois que c'est quand même fondamental. Hein. Le droit, c'est le socle de la démocratie, c'est le socle de la République. Et pour avoir vécu 4 ans dans une île qui est la Sicile, où le droit est bafoué tous les jours, moi, je suis outrée quand j'entends qu'on peut relativiser ça. Outrée.